aujourd'hui j'en viens aux mots pour ne plus en venir aux larmes. Je suis prête à changer de rôle et oublier ce mal qui me garde. J'ai tourné des pages, je suis lavée de tout, même après l'hommage, je resterai debout. Et si je suis tombée seule face au sort, aujourd'hui je veux prier. J'en ai la force, j'ai pris les devants, j'ai appris à garder en moi toutes mes chances avant que tout ne soit trop tard. Chaque jour j'ai la force d'y croire, croire en tout ce qu'il me reste. J'ai banni mes peurs autant que mes faiblesses, sans jamais prendre mon âme au diable. Je suis intouchable. J'ai cherché mes torts, j'ai pardonné, j'ai donné encore et encore. Je traînais des pas comme on traîne dans la boue, quand on me montrait du doigt pour ne rien dire du tout. Le cœur à la pris aujourd'hui plus qu'hier, je serai mon seul ennemi, je serai mon seul repère. Avec ma plume pour se ranimer, je verse mes mots pour mes larmes ont trop coulé. J'ai pris les devants, j'ai appris à garder en moi toutes mes chances avant que tout ne soit trop tard. Chaque jour j'ai la force d'y croire, croire en tout ce qu'il me reste. J'ai banni mes peurs autant que mes faiblesses, sans jamais prendre mon âme au diable. Je suis intouchable. Oh, going till the sun fell down. You kept it going.接下来您将听到的是环球三十分，及时的海外动态，最新的华语广播，环球三十分呈现给您不一样的环球资讯。 能参与北京城市副中心建设，我特别自豪。 22岁的王贵松是来自四川宜宾的一名建筑工人，他只是北京城市副中心建设工程劳动者中的普通一员。位于北京市通州区的北京城市副中心2016年破土动工，数万劳动者正在夜以继日地推动北京城市副中心的建设。 平凡劳动者铸就不平凡。 方潮，奋进新时代，庆祝改革开放40年，北京电台竭诚推出百集叙事。 改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。 亲历世间传奇，投身伟大实践，置身于过往与未来之间，和我们一起倾听亲切的声音。Radio 774，声音在耳边，世界在心里。北京外语广播，聆听资讯，分享优质生活。 Emergency, paging Dr. B. Emergency.